Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Très peu de penseurs et encore moins de psychiatres ont laissé une œuvre si singulière et si influente que Carl Gustav Jung. Le fondateur de la psychologie analytique a été l'élève de Sigmund Freud avant de rompre avec ses enseignements. La chose est bien connue et documentée. Mais l'œuvre et les concepts de Jung, l'inconscient collectif, les archétypes, l'anima, l'animus, etc., sont restés longtemps méconnus en France. Et c'est pour rattraper ces lacunes que Bernard Latour a consacré en 1970 une série de 8 émissions au psychiatre suisse, Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. La première émission de cette série, que vous allez entendre, revient largement sur la filiation intellectuelle de Jung avec Freud et sur des éléments de la biographie et du tempérament de Jung. En somme, une introduction à son cheminement intellectuel. Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Ce soir, de Freud à Jung. Voici la première des émissions que nous allons consacrer à l'œuvre de Carl Gustav Jung. Pourquoi cette série d'émissions? En premier lieu, pour répondre à une question que je me suis entendu poser. Mais qui est donc Carl Gustav Jung? En effet, c'est l'histoire de la psychologie. La découverte des principaux fondements, des principales notions de la psychologie contemporaine ont été une affaire française dans la seconde moitié du siècle dernier. Il semble bien qu'à partir du moment où Freud a démontré, a affirmé l'existence de la notion d'inconscient, un certain mouvement de retrait se soit effectué chez nous dans la recherche psychologique. Sans doute faut-il incriminer là notre esprit cartésien, notre esprit logique, notre amour du rationnel. La vie de l'inconscient, qui est une vie indéfinissable, qui est une vie qui est brusque, qui est soudaine dans ses manifestations les plus inattendues, cette vie de l'inconscient ne peut que choquer un esprit qui se veut avant tout précis et ordonné. Or, c'est à l'étranger que des voies nouvelles ont été tracées au-delà de Freud. Deux voies essentielles apparaissent actuellement. D'une part, l'école d'Alfred Adler, avec les notions de sentiment d'infériorité, de complexe de supériorité, des notions qui peuvent être englobées sous le terme de volonté de puissance. C'est une école qui porte le titre de psychologie individuelle comparée. Et puis, il y a une autre école, c'est celle de Zurich, c'est celle de Carl Gustav Jung, avec les notions d'inconscient collectif, d'archétype, d'anima, d'animus, d'ombre, d'individuation, etc. Autant de notions qui peuvent vous paraître bien barbares et surtout envelopper d'ésotérisme. Il n'en est rien. Lorsque l'on a commencé à pénétrer dans la psychologie jungienne, on se rend compte que ces notions recouvrent, définissent des fonctions psychologiques bien précises, des fonctions psychologiques que chacun de nous éprouve et peut constater en lui-même. Je ne me fais aucune illusion sur la difficulté des émissions qui vont vous être présentées. En effet, à peine l'annonce de ces émissions était-elle parue dans la presse que je recevais à l'ORTF du courrier ou des appels téléphoniques. Les uns de Jungiens fervents me disant « N'oubliez surtout pas tel ou tel aspect de l'œuvre de Carl Gustav Jung. En effet, c'est une œuvre très complexe, très riche, très touffue. » D'autres appels, par contre, me disant « Mais Jung est un touche-à-tout. Ça a été un médecin. Il a voulu aller au-delà de Freud, mais Freud avait déjà tout dit sur l'inconscient. Ou bien Jung a touché à la philosophie, Jung a touché à la théologie, à la sociologie. En réalité, comme tous les touche-à-tout, il n'apporte aucune pierre nouvelle. » Je voudrais justement, au sujet de ces prolongements philosophiques et théologiques et sociologiques de l'œuvre de Carl Gustav Jung, vous lire ici un extrait du livre « Ma vie », où il met lui-même les choses au point. Voici ce qu'il dit. « Je ne me sens aucune vocation, ni pour instaurer une religion, ni pour en professer quelqu'une. Je ne cultive aucune philosophie, mais pense seulement être un bon médecin de l'âme, et ce, dans les limites de la tâche particulière qui m'incombe. Telles sont les dispositions que j'ai trouvées en moi, et en les réalisant, j'assume ma fonction de membre de la société humaine. Alors, allez-vous me dire, pourquoi cette série d'émissions ? Eh bien, c'est parce que, si l'œuvre de Carl Gustav Jung est peu connue en France, son influence est par contre considérable dans le monde entier, et il est bon que nous exposions ici une pensée de médecin, de psychothérapeute, de psychologue, une pensée qui a des adeptes à travers tous les continents. En effet, lorsque l'on est à Zurich et que l'on consulte les dossiers de l'Institut Carl Gustav Jung, on se rend compte des livres qui paraissent dans toutes les langues, non seulement les traductions de l'œuvre de Jung, mais des livres d'études sur l'œuvre de Jung. Et on s'aperçoit que les adeptes, que les médecins, que les psychothérapeutes de l'œuvre jungienne se trouvent aussi bien en Allemagne que dans les pays scandinaves, qu'en Grande-Bretagne, qu'il y a des écoles très importantes aux États-Unis, tant sur la côte est que sur la côte ouest, et puis, à une époque où les Occidentaux cherchent dans la pratique de telle ou telle religion ou philosophie orientale un remède à leurs maux psychiques, on constate que des médecins japonais, coréens, hindous sont venus étudier à Zurich et appliquent des méthodes occidentales pour la thérapie de leurs propres malades en Orient. Par conséquent, il y a là une influence à travers le monde entier, une influence considérable de l'œuvre de Jung, et c'est à ce titre que nous vous présentons cette série d'émissions. Comment va se présenter l'émission d'aujourd'hui ? Eh bien, elle aura un peu le rôle de la scène d'exposition dans le théâtre classique. C'est-à-dire que nous allons effectuer un survol rapide des principales notions de l'œuvre jungienne, afin que ceux de nos auditeurs qui ne sont pas au courant puissent déjà avoir une idée d'ensemble. Ensuite, nous allons rappeler la carrière de Carl Gustav Jung, nous évoquerons le caractère de l'homme, nous ferons une évocation de Carl Gustav Jung dans son travail, mais ce n'est vraiment qu'avec nos émissions ultérieures que nous aborderons le fond même de l'œuvre jungienne. En 1955, une émission d'introduction générale à l'œuvre de Jung avait été diffusée sur nos antennes. J'ai retrouvé cette émission dans nos archives et le philosophe Gaston Bachelard avait accepté d'y participer. Voici ce qu'il avait, entre autres, déclaré. En condensant, en un trop bref hommage, les leçons si diverses que le philosophe peut tirer de l'œuvre considérable de Jung, je dirais d'abord que cette œuvre oblige le philosophe à intégrer la psychologie dans la métaphysique. Par cette intégration, la métaphysique devient une métapsychologie. Seule une psychologie élargie, la psychologie de l'homme total et concret, avec toutes ses puissances de pensée et toutes les inventions de ses songes, peut nous permettre de poser les problèmes métaphysiques du destin de l'homme dans le monde. Il a été assez émouvant pour moi d'entendre par la voix de Gaston Bachelard le terme d'homme total, Gaston Bachelard ajoute concret, le terme d'homme total que j'avais envisagé comme sous-titre à cette série d'émissions. Nous allons maintenant aborder quelques-unes des données essentielles de la psychologie jungienne. Et ici, je ferai appel directement à des textes de Carl Gustav Jung. Évoquons tout d'abord la notion d'inconscient. Dans l'ouvrage Aion, Carl Gustav Jung écrit « Théoriquement, on ne peut fixer de limite au champ de la conscience puisqu'il peut s'étendre indéfiniment. Empiriquement, cependant, il trouve toujours ses bornes quand il atteint l'inconnu. Ce dernier est constitué de tout ce que nous ignorons, de ce qui, par conséquent, n'a aucune relation avec le moi, centre du champ de la conscience. L'inconnu se divise en deux groupes d'objets. D'une part, ceux qui sont extérieurs et qui seraient accessibles par les sens, et d'autre part, les données qui sont intérieures et qui seraient l'objet de l'expérience immédiate. Le premier groupe constitue l'inconnu du monde extérieur. Le second, l'inconnu du monde intérieur. Nous appelons inconscient ce dernier champ. Mais évidemment, cet inconscient a sa propre vie, a ses manifestations. Et voici ce qu'à ce sujet Carl Gustav Jung nous dit dans l'ouvrage Von den Würzen des Bewusstseins. Tout ce que je connais, mais à quoi je ne pense pas à un moment donné, tout ce dont j'ai eu conscience une fois mais que j'ai oublié, tout ce qui a été perçu par mes sens mais que je n'ai pas enregistré dans mon esprit conscient, tout ce que, involontairement et sans y prêter attention, c'est-à-dire inconsciemment, je ressens, pense, me rappelle, désire et fait, tout le futur qui se prépare en moi, qui ne deviendra conscient que plus tard. Tout cela est le contenu de l'inconscient. Bien sûr, il y a cet inconscient que nous connaissons depuis Freud et qui a été profondément influencé, comme Freud nous l'a démontré, par les interdits de la société. Mais Jung étend cette notion d'inconscient. Et voici en particulier ce qu'il dit toujours dans l'ouvrage Aillon. Au-delà, nous rencontrons aussi dans l'inconscient des propriétés qui n'ont pas été acquises individuellement. Elles ont été héritées, ainsi les instincts, ainsi les impulsions pour exécuter des actions commandées par une nécessité, mais non par une motivation consciente. C'est dans cette couche plus profonde de la psyché que nous rencontrons aussi les archétypes. Les instincts et les archétypes constituent ensemble l'inconscient collectif. Je l'appelle collectif parce que, au contraire de l'inconscient personnel, il n'est pas le fait de contenus individuels plus ou moins uniques, ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement. Disons tout de suite que cette notion d'archétype et d'inconscient collectif est une des notions les plus discutées dans l'œuvre jungienne. Freud, bien sûr, s'en était quelque peu approché à un moment donné de sa carrière, mais néanmoins, Freud est toujours volontairement resté à cette limitation de la sexualité refoulée, comme facteur déterminant dans la vie de l'inconscient. Alors, ces archétypes, que sont-ils exactement ? Je vous propose d'écouter ici un extrait de l'ouvrage d'As Gevison, La conscience morale. La notion d'archétype dérive de l'observation souvent répétée que les mythes et les contes de la littérature universelle renferment des thèmes bien définis qui reparaissent partout et toujours. Nous rencontrons ces mêmes thèmes dans les fantaisies, les rêves, les idées délirantes et les illusions des individus qui vivent aujourd'hui. Ce sont ces images et ces correspondances typiques que j'appelle représentations archétypiques. Comme nous le verrons dans une de nos émissions ultérieures, avec les témoignages que j'ai recueillis auprès de médecins et de psychothérapeutes en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre, ces figures archétypiques apparaissent dans des rêves de personnes qui n'ont pas de culture profonde, qui ne connaissent pas la mythologie grecque, qui ne connaissent pas les vieux contes du terroir dont ces personnes sont issues, qui ne connaissent pas non plus, par exemple, ces iconographies que l'on retrouve dans les vieux ouvrages de l'alchimie, parfois des incunables. Et cependant, ces figures d'un dieu, ces figures d'un souffle descendant du ciel, le pneuma antique d'ailleurs, ces figures apparaissent dans les rêves des malades. Et nous avons là une confirmation de la thèse de Carl Gustav Jung. Car en somme, notre corps possède des témoignages physiologiques des espèces qui nous ont précédés et dont l'espèce humaine est issue. Pourquoi est-ce que notre psyché contemporaine ne posséderait pas elle aussi des témoignages, des substrats, des couches profondes venant justement des générations bien antérieure de cette même psyché. En illustration de ce que nous venons de dire, et avant d'aborder les notions d'anima et d'animus, je vous propose d'écouter un extrait du combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi. Tancrède est un personnage de la Jérusalem délivrée du Tasse. C'est un preux chevalier, il est aimé profondément par Herminie, mais il ne répond pas à cet amour, et lui, par contre, aime Clorinde, une belle sarrasine. Mais la tragédie va survenir, Clorinde va mettre le feu aux machines de guerre des croisés, un combat singulier va s'en suivre et Tancrède va mettre à mort Clorinde. Tancrède qui possède une nature de poète et cette Clorinde est pour lui un symbole. Tancrède va alors approcher de la folie, mais il sera spirituellement uni à Clorinde. Nell'armi provarla al paragone. Va girando colei l'alpestra cima per l'altra porta, ove d'entrar dispone. Segue l'impetuoso, onde assai prima che giunga, fin qui s'avvien che d'armi suone, ella si volge e grida. Cucù, che parte correndo, sì! Risponde, è guerra e morte. Guerra e morte avrai, disse. Io non rifiuto darla, di se ne cerchi e ferma attendi. Non vuol Tancredi ch'ebbe a pie veduto il suo nemico usar cavallo e scende e impugna l'un e l'altri ferracuto ed aguzza d'ergoglio ed ira accende. S'incontro a passi tardi e lenti, vai due tori gelosi e abordons maintenant les notions d'anima et d'animus, et tout d'abord, si vous le voulez bien, un rappel rapide de quelques notions biologiques. Il n'est point d'homme qui possède uniquement et totalement des caractéristiques du sexe mâle. Et il n'est point de femme qui possède totalement et absolument les caractéristiques du sexe femelle. En effet, le fœtus, pendant la première partie de sa vie intra-utérine, est asexué. Ce n'est que progressivement que le sexe apparaît. Et il reste dans tout individu des traces de l'autre sexe. Pourquoi n'en serait-il pas de même sur le plan psychique? Alors, qu'est-ce que l'anima? Eh bien, c'est cette part féminine de l'homme qui est en lui et qu'il projette sur une femme. C'est ce qui l'attire vers une femme. Et l'animus, c'est cette part masculine de la femme qui est en elle et qu'elle projette sur un homme. Retournons toujours à une définition de Carl Gustav Jung. Voici d'ailleurs ce qu'il écrit dans « Problème de l'âme moderne ». Depuis toujours, chaque homme porte en lui l'image de la femme. Non l'image de telle femme déterminée, mais celle d'un type de femme déterminée. Cette image est, au fond, un conglomérat héréditaire inconscient d'origine très lointaine, incrusté dans le système vivant, type de toutes les expériences de la lignée ancestrale au sujet de l'être féminin, résidu de toutes les impressions fournies par la femme, système d'adaptation psychique reçu en héritage. Et c'est cette projection de l'anima pour l'homme sur une femme qu'on ne voit plus telle qu'elle est, mais telle qu'on souhaite qu'elle soit, telle qu'elle est en réalité en nous-mêmes. C'est cette projection qui explique, par exemple, Goethe, très âgé, tambon amoureux d'un jeune tendron. C'est ce qui explique la délivrance par la femme pure chez Wagner. Ce qui explique également, par exemple, l'exagération éthique d'un Tolstoï âgé dans la sonate à Kreutzer. Je vous propose d'entendre un document que j'ai recueilli à Paris auprès du docteur Roland Cahen, qui est le traducteur en France des œuvres de Carl Gustav Jung. Pour que projection il y ait, il faut qu'il y ait une teneur psychique dans l'univers mental d'un être qui soit active, qui soit exclue du conscient et doive demeurer inconsciente, et qui puisse se raccrocher par quelque atome crochu, quelquefois fort minime, à un récepteur de projection. Eh bien, la donnée, ou une des données, projetée par prédilection, c'est l'anima. C'est l'anima dont la manifestation est vraiment universelle. Si tous les magazines font figurer sur leurs pages de titre des Brigitte Bardot ou des pin-up, c'est moins pour des motifs d'érotisme qui, après tout, auraient déjà fait long feu et dont on serait fatigué depuis le temps, mais c'est parce que ça fait entrer en vibration chez l'acheteur éventuel en face du kiosque à journaux, ça touche quelque chose de son anima personnel. Ce qui fait la richesse des magazines modernes, c'est certainement la phénoménologie de l'anima. Mais à ce niveau, c'est bassement commercialisé et c'est même poussé ces phénomènes à un malentendu regrettable. L'anima est cette fonction imageante qui va permettre le lien entre mon conscient et mon inconscient. Autrement dit, il s'agit dorénavant de comprendre ce que de moi-même j'ai projeté sur la brunette du coin. Il faut bien nous rendre compte que chaque fois qu'un être attire de façon fascinante un autre être, c'est que le fasciné a investi l'objet de sa fascination d'éléments de lui-même, éléments de lui-même qu'il retrouve dans l'autre. Puis l'autre est le réceptacle de ce que de moi-même j'ai projeté en lui. Voici quelques autres notions que nous allons, au cours de ces émissions, étudier. La notion du soi. Je ne puis mieux faire là que de vous lire une page extraite de la dialectique du moi et de l'inconscient. Le soi est une entité surordonnée au moi. Le soi embrasse non seulement la psyché consciente, mais aussi la psyché inconsciente, et constitue de ce fait, pour ainsi dire, une personnalité plus ample, que nous sommes aussi. Il n'y a pas lieu d'ailleurs de nourrir l'espoir d'atteindre jamais à une conscience approximative du soi. Car, quelque considérable et étendu que soient les secteurs, les paysages de nous-mêmes dont nous puissions prendre conscience, il n'en subsistera pas moins une masse imprécise et une somme imprécisable d'inconscience qui, elle aussi, fait partie intégrante de la totalité du soi. Donc, la totalité de l'homme, c'est non seulement cette partie consciente qui nous permet dans la vie d'agir avec raison, qui nous a permis d'amener la science occidentale au point de réussite où elle en est, mais c'est aussi cette part de nous-mêmes qui continue à agir comme nous l'avons vu tout à l'heure au début de cette émission. Mais alors, de quoi s'agit-il dans la vie d'un individu? Il s'agit avant tout d'être la totalité de soi-même, c'est-à-dire d'arriver à se dégager des influences reçues dans l'enfance, des conditionnements de la société, et de s'accepter l'individu tel qu'il est. C'est alors le processus d'individuation. Et voici un extrait de La guérison psychologique de Jung. Il écrit « J'emploie l'expression d'individuation pour désigner le processus par lequel un être devient un trait d'union d'individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. » Et voici un autre passage qui est extrait de la dialectique du moi et de l'inconscient. La voie de l'individuation signifie tendre à devenir un être réellement individuel, et dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière est irrévocable, il s'agit de la réalisation de son soi dans ce qu'il a de plus personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot d'individuation par réalisation de soi-même, réalisation de son soi. Mais alors, est-ce que cet effort de réalisation de son soi est un effort contemporain? Est-ce que c'est uniquement à la suite de Freud et de Jung que nous avons conscience de la nécessité de la réalisation du soi? Eh bien non. Non, car l'alchimie est un très long secret de processus d'individuation. Et les alchimistes, derrière leur dialogue du mariage du mercure et du soufre, derrière toute cette recherche intime de la matière, les alchimistes, au contraire, dans un dialogue à eux, recherchaient l'épanouissement de la psyché humaine, au-delà, quelque peu en marge, de tous les principes chrétiens qui, à l'époque, étaient les plus puissants. Je vous propose d'entendre également, en introduction à nos émissions futures sur l'alchimie et le processus d'individuation, je vous propose d'entendre un document que j'ai recueilli auprès d'Étienne Perrault, qui a effectué une traduction de psychologie et alchimie. Sa grande préoccupation, son grand œuvre, tente à faire sortir la lumière des ténèbres. Les alchimistes disent que la première opération consiste non pas à faire de l'or, mais à défaire l'or pris comme point de départ, l'or vulgaire, comme ils disent, que l'on peut identifier, si vous voulez, au moins conscient, à le défaire pour trouver le chaos, pour trouver le noir. Et c'est seulement quand on aura trouvé le noir, la nigredo, la tête de corbeau, le tombeau, la prison, la mort, c'est alors seulement qu'on sera en mesure de préparer l'éclosion de la fleur des sages qu'est la pierre philosophale. Voyez. Alors, sur le plan historique, il est d'ailleurs intéressant de remarquer que les alchimistes se donnent explicitement pour les continuateurs des mystères de l'Égypte et de la Grèce. Ils disent que l'image du grand œuvre fournie par l'Antiquité, c'est celle des mystères d'Éleusis. Mystères au cours desquels, vous le savez, l'initié devait traverser la mort, franchir un long tunnel avant d'aboutir au jour et de se voir présenter l'épi, image de la vie multipliée, rayonnante, dorée. Voyez. Alors, nous avons donc ce double rapport, paganisme suivi d'alchimie et paganisme suivi de psychologie des profondeurs, l'une et l'autre entreprise ayant pour objet la réconciliation des deux pôles, le pôle lumineux et le pôle obscur de l'existence, et montrant que la lumière sort des ténèbres, ce qui est d'ailleurs le titre d'un livre alchimique. La descente du conscient dans les ténèbres infernales de l'inconscient pour ressortir ensuite, pour faire ressortir la lumière nouvelle, encore un terme alchimique, la lumière nouvelle qui est la lumière du soi. En même temps que l'étude du soi, d'ailleurs, nous aborderons le mandala. Qu'est-ce que le mandala? C'est un dessin carré qui est une projection, une matérialisation sur Terre d'une image spatiale, d'une totalité cosmique. C'est également l'actualisation de puissance divine. Dans le lamaïsme et le yoga tantrique, le mandala est cet instrument de contemplation, yantra, que l'on a face à soi. Le siège est le lieu de naissance des dieux. Carl Gustav Jung écrit dans Das Geheimnis der Goldenen Blüte, mandala signifie cercle, plus spécialement cercle magique. Les mandalas ne sont pas uniquement répandus dans tout l'Orient, ils existent aussi chez nous. Ils sont abondamment représentés au Moyen-Âge, en particulier dans le monde chrétien. Ils sont nombreux au début du Moyen-Âge. Beaucoup d'entre eux ont le Christ au centre et les quatre évangélistes ou leurs symboles aux quatre points cardinaux. Cette conception doit être très ancienne puisque Horus était représenté de la même façon avec ses quatre fils chez les Égyptiens. Le plus souvent, le mandala a la forme d'une fleur, d'une croix, d'une roue, avec une tendance marquée à prendre le 4 comme base de sa structure. D'ailleurs, nous serons amenés également à étudier la quaternité en tant que grand symbole. Donc, la contemplation du mandala, ou l'apparition du mandala dans un rêve, de ce mandala que l'on retrouve dans le lamaïsme, dans le yoga tantrique, dans les dessins du Moyen-Âge comme nous venons de l'apprendre. Cette présence du mandala est un témoignage rassurant, absolu, certain, de la totalité du soi auquel parvient l'homme qui se réfère au mandala. Une autre notion que nous serons amenés à étudier dans nos émissions est la notion du numinosum. Le terme est de Rudolf Otto qui l'a utilisé dans son ouvrage Le Sacré. Et c'est un terme qui est formé à partir de la racine latine numen, être surnaturel. Il s'agit de la qualité de ce qui est indicible, de ce qui est mystérieux, de ce qui est terrifiant et dont l'homme peut faire l'expérience immédiate. Ceux, en effet, qui ont, par l'extase, je pense aux grands théologiens, je pense aux saints, ceux qui ont, par la réflexion, je pense aux grands philosophes, approché du noumen, ont été effectivement terrifiés par l'aspect de celui-ci. Nous toucherons là, évidemment, à la notion divine. Et nous serons amenés ainsi à parler de la psyché, qui est la personnification de l'âme. À Monderos, elle symbolise justement la destinée de l'âme. Et il est bon ici que je vous lise ce que dans l'ouvrage « Ma vie », Jung dit de la psyché. « Notre psyché est structurée à l'image de la nature du monde, et ce qui se passe en grand se produit aussi dans la dimension la plus infime et la plus subjective de l'âme. C'est pourquoi l'image de Dieu est toujours une projection de l'expérience intérieure vécue lors de la confrontation avec un vis-à-vis très puissant. Celui-ci est figuré par des objets dont l'expérience intérieure est issue et qui, à partir de là, ont gardé une signification numineuse où il est caractérisé par sa numinosité et la force subjugante de celle-ci. Enfin, notre dernière émission étudiera l'homme et la femme moderne, avec la réintégration des opposés, la dualité du bien et du mal. En effet, nous vivons sur une civilisation qui a scindé, qui a pratiqué une dichotomie artificielle du bien et du mal. Or, il apparaît de plus en plus, à travers les complexités de la science, à travers les complexités de la vie moderne, que le bien est dans le mal, et que le mal est dans le bien, et que l'homme futur va se trouver en face d'un choix capital qu'il ne pourra plus effectuer que seul, en dehors des institutions qui jusqu'ici le dirigeaient. L'homme et la femme moderne, donc, également la réintégration dans notre civilisation occidentale du féminin, et donc de l'inconscient et du sentiment. Car notre civilisation occidentale a été presque uniquement basée sur la masculinité et la négation de la féminité. Également, pour l'homme moderne, réintégration de l'imaginaire, un imaginaire que nous avions presque totalement sacrifié dans notre vie et qui actuellement, à travers les affiches de la publicité, à travers la mode vestimentaire, réapparaît de façon très brutale. André Virel et le professeur Gilbert Durand de la faculté de Grenoble-Chambéry nous apporteront d'ailleurs leur témoignage à ce sujet. Dans le domaine des sciences mathématiques, des sciences physiques, lorsqu'une démonstration bien précise, probante, a été donnée à un théorème, à une proposition, ce théorème, cette proposition demeure inattaquable. Il n'en est pas de même dans le domaine psychologique, qui est un domaine scientifique très vaste et que l'on commence seulement à aborder, que de découvertes à venir dans le siècle qui vient sur le psychisme de l'homme. Mais nous nous efforcerons dans cette émission, dans un pur souci d'objectivité, de donner la parole à des spécialistes qui ne sont pas d'accord avec certains aspects des conceptions jungiennes. Pour terminer ce rapide survol de l'œuvre de Carl Gustav Jung, je vous propose d'entendre un document que j'ai rapporté de Todtmoos Rutte en Forêt-Noire, en Allemagne. J'ai rencontré là le professeur von Durkheim. Nous nous sommes entretenus longuement de l'œuvre de Carl Gustav Jung et nous retrouvons le professeur Durkheim tout au long de nos entretiens. La réalisation du soi, basée sur l'expérience de quelque chose de transcendant, marque depuis toujours le chemin initiatique qui est le chemin du sage oriental. Ainsi que Jung, sans le savoir et sans le vouloir, un beau jour avait dépassé l'ordre des médecins et se trouvait, malgré lui, dans l'ordre des maîtres spirituels. Ou ce qu'on appelle le gourou. Mais je me rappelle au dernier congrès d'une société allemande qui a eu lieu il y a 2 ans, un hindou, le professeur Vasavada, qui lui-même était un élève de Jung, racontait qu'il a essayé maintes fois de persuader Jung qu'il avait dépassé le plan des thérapeutes et était devenu un gourou, mais Jung ne voulait pas, absolument pas l'accepter. Mais il n'y a rien à faire, Jung a dépassé le plan du médecin, aussi du psychothérapeute, en introduisant justement le terme du soi et comme but de la thérapie, la réalisation du soi. Et voilà maintenant quelque chose qui est extrêmement intéressant de notre temps et je crois qu'en général, on ne se rend pas compte de ce qu'il s'agissait et de ce qu'il s'agit, que non seulement dans Jung, mais je le vois partout où je parle de ces choses, que l'homme occidental, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, s'ouvre au chemin initiatique. Et si vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire le chemin initiatique, eh bien, c'est justement le chemin intérieur basé sur l'expérience de la transcendance, partant de cette expérience et aboutissant, c'est ça le but, dans un état d'être grâce auquel l'homme est capable de témoigner de la transcendance dans son existence. Les Valkyries, les nymphes du palais d'Odin qui conduisent les guerriers à la guerre et qui se trouvent en tête des batailles s'apparentent aux Amazones de l'Antiquité. Mais elles sont peut-être moins sauvages et moins cruelles que celles-ci. Mais elles possèdent la même ambiguïté. Elles représentent également l'aventure, la part d'aventure de l'amour et puis cette lutte permanente qu'est l'amour avec des chutes, des extases, la vie, la mort. Thank you. Précisons que Carl Gustav Jung était un grand admirateur de Wagner. Nous allons maintenant essayer de situer dans le contexte historique la place de l'œuvre de Jung. Je vous ai dit au début de cette émission qu'il semblait bien que la psychologie française, après avoir été tellement brillante dans la seconde moitié du dernier siècle, s'était quelque peu endormie après les succès de l'école viennoise avec l'affirmation de la notion d'inconscient par Sigmund Freud. Pour comprendre ce qu'un Autrichien comme Sigmund Freud et ce qu'un Zurichois comme Carl Gustav Jung doivent à la France, nous allons retracer très rapidement cette histoire de la psychologie chez nous. Oh, je ne veux pas vous faire un cours didactique, ce serait absurde. Si vous le voulez bien, nous allons simplement très rapidement feuilleter quelques-unes de mes notes de travail. Il y a eu tout d'abord, au début du siècle dernier, Maine de Biron, qui avait affirmé un moi conçu comme activité de l'esprit. Et puis, c'est également au début du siècle dernier qu'en France, nous avons eu un Pinel qui libéra pour la première fois les fous de leur chaîne, car partout jusque-là dans le monde entier, on enfermait très étroitement, on encerclait en quelque sorte les fous avec des chaînes. En 1822, Bell isola cliniquement une maladie mentale, la paralysie générale. Et puis, nous passons des années, nous avons Charcot, qui vécut de 1825 à 1893 et qui fut le maître de Freud. Freud a gardé envers Charcot une telle reconnaissance qu'il a donné à son fils aîné le prénom de Jean-Martin, en souvenir précisément de Jean-Martin Charcot. Freud, rappelons-le, était arrivé à Paris à l'automne de 1885 en qualité de boursier. Et Freud reconnaîtra avoir entendu à la Salpêtrière Charcot dire à Boisdel: « À l'origine de l'hystérie, il y a toujours quelque chose de sexuel », ce qui fut vraiment une des idées majeures, sinon l'idée majeure de Freud. Ensuite, Freud est allé à Nancy, où il a étudié auprès de Liébo et de Bernheim. Ceci se passait à la fin de l'année 1889, et Freud reconnaîtra l'importance de l'enseignement qu'il reçut à Nancy. Il écrira en effet: « Dans ma vie et la psychanalyse, c'est là que je reçus les plus fortes impressions relatives à la possibilité de puissants processus psychiques demeurés cependant cachés à la conscience de l'homme ». Il y a eu également Janet, et Janet aurait pu, alors lui vraiment, défoncer Freud, et il faillit faire de la psychanalyse sa découverte à lui, et puis une découverte française. Ainsi, en 1889, il écrit à propos du rôle néfaste des souvenirs oubliés: « L'idée agit inconsciemment, trouble la conscience et provoque tous les accidents de l'hystérie et de la folie. La pensée subconsciente peut entretenir le malade dans un état de peur, de tristesse, sans qu'il sache pourquoi il est ému. J'évoquerai pour mémoire l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson, l'importance de celui-ci. Il y a eu en 1898 les observations de Binet sur les enfants au point de vue médical et pédagogique. Nous avons eu également Théodule Ribot. Il fut à son intention créé au Collège de France, grâce d'ailleurs à l'intervention de Renan, une chaire de psychologie expérimentale et comparée. Il recommandait d'ailleurs à ses élèves une formation scientifique et une très rigoureuse spécialisation dans un champ déterminé de la psychologie. Nous avons là une conception actuelle des études psychologiques. Voilà donc quelques noms très importants de l'histoire de la psychologie en France. Et vraiment, on s'étonne un peu, il faut le dire très honnêtement, on s'étonne un peu parfois d'entendre encore la psychanalyse et la vie de l'inconscient attaquée chez nous. Ce sont vraiment des positions que nous devons, je crois, au cartésianisme et au rationalisme. Nous vivons dans un moment trop rationnel. Peut-être le moment plus rationnel dans l'histoire du monde. Peut-être c'est une chose que vous comprenez mieux en France, mais je crois que pour nous en Europe, la France a ce malheur d'être trop rationnelle. C'était vraiment splendide ce qu'on a fait avec la raison en France, mais ce n'était pas prononcé par l'effort religieux, irrationnel, émotionnel qui est nécessaire. Et pour ça, je trouve, surtout pour la France, que le travail de Jung était formidablement important. C'était Laurence van der Post que j'ai rencontré à Londres et que nous retrouverons au cours de nos émissions. Je ne voudrais pas vous imposer une biographie fastidieuse de Carl Gustav Jung, mais il est bon d'évoquer rapidement sa vie. Il est né le 26 juillet 1875 en Suisse, à Kaysville, dans le canton de Thurgovie. Son père était un pasteur protestant qui traversera un drame puisque peu à peu il perdra la foi. À l'âge de 4 ans, Carl Gustav vint à Bâle, qui était la ville natale de sa mère. D'ailleurs, la famille Jung était originaire d'Allemagne, et c'est en 1822 que le grand-père de Jung était venu s'installer à l'université de Bâle, où il était d'ailleurs professeur de chirurgie. La famille Jung, en effet, est une famille de médecins et de juristes, puisque dès le XVIIe siècle, on trouve un Carl Jung, professeur de médecine. Carl Gustav, donc, fera ses études à Bâle, et c'est en 1902 qu'il viendra à Paris pour suivre les cours que Pierre Janet donne à la Salpêtrière. Il rentre à Zurich, il est l'élève de Bleuler, qui était le directeur de la clinique du Bürgösli, et en 1904, il fait paraître une première publication sur les associations. Ensuite, en 1905, il devient médecin-chef du Bürgösli et privatdocent de psychiatrie à l'université de Zurich. Mais en 1909, il se démet de ses fonctions pour ne plus se consacrer qu'à sa clientèle privée. C'est vers cette époque, d'ailleurs, qu'il approche Sigmund Freud. Nous parlerons tout à l'heure des relations entre les deux hommes. Ensuite, Carl Gustav Jung va voyager. En 1921, il sera en Afrique du Nord, aux États-Unis où il étudie les Indiens Pueblo, en 1924-1925, États-Unis et Nouveau-Mexique. L'année suivante, en 1926, il se rend chez les habitants des pentes méridionales et occidentales du Mont Elgon, dans le Kenya. Mais au-delà de ses voyages, Carl Gustav Jung également approfondit ses connaissances en philosophie et en symbolique religieuse de l'Extrême-Orient. Il a de nombreuses rencontres avec Richard Wilhelm, qui est le directeur de l'Institut chinois de Francfort. Ensemble, d'ailleurs, ils feront paraître un commentaire d'un ancien texte taoïste, Das Geheimnis der Goldenen Blüte, le mystère de la fleur d'or. Il a également de nombreuses relations avec l'indologue Heinrich Zimmer et avec le Hongrois Karl Kereneyi, qui était philologue et mythologue. Carl Gustav Jung a une renommée mondiale. Il est appelé à donner de nombreuses conférences dans des universités étrangères, aux États-Unis, à Fordham, à Clark, à Yale, à Harvard, qui, en 1936 d'ailleurs, lui confère le titre de docteur honoris causa. Il recevra également des titres honorifiques de l'université hindoue de Bénarès, l'université mahométane d'Allahabad, l'université de Calcutta. En 1938, l'université d'Oxford lui décerne également un titre honorifique. L'ensemble des ouvrages de Carl Gustav Jung groupe environ 120 écrits de diverses envergures, dont 30 volumes importants. Et c'est le 6 juin 1961 qu'il est mort après une brève maladie, peu de temps avant d'atteindre sa 86e année. C'est en 1906 que Carl Gustav Jung avait pris contact avec les travaux de Freud. Il avait d'ailleurs écrit un article dans la revue Münchner Medizinische Wochenschrift. Lors de mon voyage à Londres, je demandai au docteur Bennett de nous retracer les raisons de cette rencontre de Jung et de Freud. It was the study by Jung of the personal unconscious of people which led to his meeting with Freud in the first instance, because Jung was working for many years at the Berghölzé Hospital in Zurich. C'est l'étude que Jung poursuivit sur l'inconscient personnel qui a amené sa première rencontre avec Freud. Jung a travaillé pendant de nombreuses années au Bürgösli de Zurich. Il avait alors entrepris une recherche sur ce que l'on appelle le test des associations verbales. On faisait passer ce test aux malades de l'hôpital. Il consistait à proposer une série de mots sélectionnés, série qui comprenait environ 100 mots. On la lisait au sujet et on lui demandait de répondre à chaque mot lu par le premier mot qui lui venait à l'esprit, quel qu'il soit, qui lui semble approprié ou non. Le temps qui s'écoulait avant chaque réponse était dit temps de réaction. Jung le chronométrait et l'enregistrait. On s'apercevait que pour certaines réponses, le délai était très long. Un jour, par exemple, de l'argent disparut. Jung pensa qu'il serait intéressant d'appliquer le test des associations, ce qu'il fit. Quand le mot « argent » apparut, l'une des infirmières mit longtemps à répondre. Il apparut ensuite que c'était elle la coupable. Ce qui est intéressant dans ce test, et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est le fait qu'il provoqua la rencontre de Jung et de Freud. C'est aussi parce que c'était la première fois, et ceci avant que les deux hommes ne fassent connaissance, que quelqu'un démontrait expérimentalement la valeur de la théorie freudienne du refoulement. Il en résulta que Freud écrivit à Jung, ce qui provoqua leur rencontre à Vienne. Freud accueillit chaleureusement Jung, bien sûr. Il était le premier psychiatre de renom qui répondait à son appel. C'était aussi le premier psychiatre non-juif qui entrait en relation avec lui. Aussi, Jung ne fut-il pas très populaire parmi les disciples viennois de Freud. Mais malgré cela, Freud et lui s'entendirent très bien pendant un temps. Puis leurs routes se séparèrent et ils poursuivirent chacun leur propre chemin. Mais avant d'en venir à la séparation de Jung et de Freud, il est bon de retracer tout de même ce que fut leur relation. En 1909, ils avaient été invités tous les deux par la Clark University de Worcester pour le 20e anniversaire de celle-ci. Et c'est précisément la méthode des associations qui fut la cause des conférences données par Carl Gustav Jung devant le public américain. Cette même année 1909, il y eut à Vienne une rencontre entre les deux hommes. Et en 1911, c'est la fondation de la Société internationale de psychanalyse. Jung, qui a joué un très grand rôle dans la fondation de celle-ci, devient le président de l'association. Il y a d'ailleurs une photo de groupe très émouvante, puisque on voit là réunis parmi Freud et ses disciples Alfred Adler et Carl Gustav Jung. D'ailleurs, déjà à cette époque, en 1911, Alfred Adler, de son côté, commençait à avoir une position différente de Freud, cette position sur les complexes d'infériorité et de supériorité que nous évoquions tout à l'heure. Et puis, en 1912, Jung écrit un article dans « Van Lungen und Symbol der Libido ». Plus tard, Freud indiquera à Jones l'endroit très précis où il a eu la révélation que Jung commençait à avoir une position différente de la sienne. C'est, si vous voulez, des précisions à la page 123. Jung part d'une citation de Freud et il amorce là l'élargissement du concept de libido. Il considère que, dans la démence précoce, il est difficile de penser que le retrait de l'intérêt à l'égard de la réalité puisse se réduire au retrait d'une libido purement sexuelle. Voilà le mot prononcé, voilà le grand problème. Freud est resté volontairement arrêté au problème de la sexualité et de la limitation pour des raisons de sexualité de la libido, tandis que Jung, comme nous avons commencé à le voir tout à l'heure et comme nous allons le voir tout au long de nos émissions, Jung a très largement dépassé ce contexte. Et c'est en 1913 la rupture entre les deux hommes. Cependant, il faut bien se dire que toujours, Jung aura un très grand respect pour Freud. Il ne cessera d'affirmer que sans Freud, il n'aurait pas pu mener sa propre tâche. Nous allons d'ailleurs écouter plusieurs témoignages. Avant la déclaration de guerre en 1939, Freud, qui était juif, comme nous l'avons dit, devait fuir l'Autriche devant la montée du nazisme. Il devait se réfugier à Londres, où était déjà sa famille. Jung était à ce moment-là en Angleterre, où il prononçait une série de conférences. À Londres, précisément, le mois dernier, je demandais à Laurence van der Post d'évoquer ce moment de la vie de Freud et de Jung, dont Laurence van der Post fut un témoin. Quand Freud était arrivé à Londres, je crois que c'était 1938 ou 1937, quand il y avait une très grande conférence jungienne à Oxford. Et les nouvelles sont arrivées là-bas que Freud a réussi de quitter l'Autriche et est arrivé ici, en Angleterre. Et Jung était là aussi à Oxford. Et Jung avait insisté qu'on envoie tout de suite un télégramme de bienvenue et de congratulation et de bonheur à Freud. C'est une longue histoire, assez complexe, avec beaucoup de nuances. Le fait important est que Jung a insisté quand on fait ça. Et j'ai parlé souvent avec Jung de cette question des relations avec Freud. Toujours, il était plein de reconnaissance pour ce que Freud a fait dans sa vie, n'est-ce pas? Il parlait toujours de Freud comme très, très grand pionnier, n'est-ce pas? Il n'avait jamais d'amertume. Il parlait avec beaucoup d'admiration. Et l'amertume qui existe entre les deux écoles, je crois que c'est quelque chose qui est typiquement un phénomène qu'on trouve parmi les disciples de n'importe quelle école au monde. À Zurich, j'ai rencontré le docteur Liliane Freyron. Elle évoquait pour moi divers souvenirs des années 1960 et je lui ai demandé l'autorisation de les enregistrer. En 1960, j'avais justement lu les lettres entre Freud et Jung. Et je voulais en parler à Jung. Je lui disais, c'est quand même très intéressant. Ça me donne une idée de cette intensité de travail dans cette époque première. Freud lui disait, oui, n'en parlons plus. Ça fait mal. Et je n'ai plus la force. En somme, généralement, je le voyais à 5h30, 6h du soir. Je n'ai plus la force, en somme, de faire revivre tous ces souvenirs. Après, je ne dors pas. Donc, vous voyez qu'encore, à l'âge de 84 ans, n'est-ce pas, il souffrait du fait qu'il ne s'était pas compris. Et que Freud, il avait tellement espéré de trouver dans Freud, qui avait 25 ans de plus que lui, un père ou un grand frère, quelqu'un qui le soutient, avec lequel il aurait pu continuer à discuter comme il le faisait à Vienne, avec une intensité. Pendant toute une nuit, ils ont discuté la première fois qu'ils se sont trouvés. Ce n'était pas possible. Freud n'a pas pu accepter que le Crown Prince n'était plus le Crown Prince. Après, n'est-ce pas, naturellement, Jung a dû se libérer du complexe père, n'est-ce pas? Et pour sauver ses idées, donc encore très jeune, il est devenu dur. Après qu'il n'a pas été compris par Freud, il s'est retiré lui-même et il a vraiment été très polémique pendant au moins 15 ans. C'est-à-dire qu'il a partout, il a dans toutes ses œuvres, il a critiqué Freud. Mais Liliane Freyron, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Freud et de l'œuvre de Jung. Vous venez d'ailleurs de faire paraître aux éditions Racher à Zurich un livre intitulé « Von Freud zu Jung ». Pouvez-vous, sur le plan de la théorie, nous préciser les différences entre les conceptions jungiennes et les conceptions freudiennes? Freud, à part ses découvertes extraordinaires qui ont fait de lui le pionnier de la psychanalyse, s'est volontairement restreint à ne pas toucher à la valeur de l'esprit ni à celle de divinité. Pour lui, Dieu a conservé la signification d'une projection de l'âme humaine. Il ne lui a jamais attribué une existence objective. C'est dans la compréhension des phénomènes religieux que Jung a fondamentalement complété l'œuvre de Freud. Il a démontré la valeur de l'expérience vécue de Dieu sans jamais identifier l'image de Dieu avec la réalité même de Dieu. Pour lui, la psychologie ne peut jamais devenir un simple surrogat de la croyance religieuse. Mais elle peut avoir néanmoins une grande signification dans la formation religieuse de l'individu. Elle l'aide non seulement à comprendre ses opposés, mais aussi à supporter les limitations créées par son propre destin. Nous ne poursuivrons pas au-delà l'étude comparative de l'œuvre de Sigmund Freud et de l'œuvre de Carl Gustav Jung. Vous n'ignorez pas le symbole qui se dégage de la prise de Troie, lorsque Aîné quitte la ville en flammes avec son vieux père Anchise sur les épaules. Anchise est une figure d'archétype que nous évoquerons dans une émission ultérieure. Mais dans l'immédiat, je vous propose de nous arrêter avec Aîné et Purcell auprès de Didon. Pourquoi ce choix? Mais parce que Didon représente la femme sensible, la femme aimante. Elle représente, comme nous l'avons vu dans la notion d'anima tout à l'heure, la liaison avec l'inconscient. Et lorsque Énée refuse de rester auprès de Didon, Énée obéit avant tout à son principe masculin. Énée doit partir pour créer Rome, qui sera une ville de puissance, une ville d'empire. A monster's head stands bleeding, with tarsus far exceeding those did Venus' huntsmen tear. The skies are clouded, La lecture des ouvrages de Jung est au premier abord difficile pour un Français. En effet, c'est une œuvre qui est écrite de façon empirique. Carl Gustav Jung a écrit au fur et à mesure de ses découvertes, au fur et à mesure de ses travaux, et sans cesse d'ailleurs, il fait évoluer ses propres notions et ses propres conceptions. Le volume, sans doute, le plus abordable dans l'immédiat, disons, pour une personne qui ne connaît pas du tout l'œuvre de Carl Gustav Jung, est l'ouvrage « Ma vie ». Il s'agit d'un ensemble de propos qui ont été recueillis par Anelia Yaffe et qui ont été traduits en France par le docteur Roland Cahen et par Yves Lelay. Je parlais tout de suite du caractère empirique du travail et de l'œuvre de Carl Gustav Jung. C'est à Anelia Yaffe que nous allons faire appel maintenant pour nous citer un des multiples exemples du travail de psychothérapeute de Carl Gustav Jung. Un docteur lui a envoyé une jeune femme. Elle était institutrice et elle souffrait d'une insomnie. Et personne ne pouvait la guérir. Elle était trop tense. Et elle avait toujours l'idée qu'elle ne faisait pas assez bien ses devoirs, etc. Et puis elle venait voir Jung. C'était une jeune fille de 22 ans à peu près. Et alors, il lui racontait un peu que quand lui, Jung, il souffrait de l'insomnie, il allait à bowling, il faisait le bateau à voile, et ça le tranquillisait beaucoup, il était détend, il pouvait de nouveau dormir. Ce qui lui manquait, cette jeune femme, c'était la détente. Mais il voyait tout de suite qu'elle ne comprenait pas. Tout d'un coup, il entendait, dans son oreille intérieure, il entendait une petite chanson que sa mère avait toujours chantée à sa sœur cadette. Il avait une sœur qui était beaucoup plus jeune que lui. Et quand elle était dans son petit berceau, sa mère a chanté une petite chanson à cette jeune sœur, la petite fille, et Jung écoutait. Et maintenant, quand cette jeune femme était en face de lui avec sa souffrance d'insomnie, il se rappelait cette chanson de sa mère. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, Jung? Il commençait à chanter à voix basse. Il chantonnait ses sensations de détente, de bateau à voile, du lac, du vent et tout ça. Et il a dit, j'ai chantonné ses sensations et j'ai vu qu'elle était enchantée. Et puis, la jeune femme s'est en allée après cette heure. Il ne l'a jamais revue. Et quelques années plus tard, il rencontrait le médecin qui lui avait envoyé cette jeune femme. Alors ce médecin dit, « Mais Jung, comment est-ce que vous avez fait ça de guérir cette jeune femme dans une seule heure? Quelle était votre méthode ?» J'ai demandé à cette jeune femme, elle m'a raconté quelque chose du vent et du bateau à voile, mais elle m'a rien raconté de votre méthode. Quelle était votre méthode ? Alors Jung, naturellement, il n'a pas pu lui dire qu'il avait entendu cette chanson de sa mère et qu'il a chantonné ses sensations. Mais vous voyez, n'est-ce pas, alors il a enchanté cette jeune femme. Ça, c'est aussi cette émanation, et ça, c'est quelque chose de typique pour sa méthode. Il n'avait pas de méthode. Il suivait son inspiration, et il avait le sentiment pour son vis-à-vis. N'est-ce pas? Il savait pour cette jeune femme qui était plutôt simple, c'était la seule chose. Il ne pouvait pas lui donner des explications théoriques. Et c'est très joli, j'ai chantonné ses sensations, j'ai vu qu'elle était enchantée. Et puis il a encore dit quelque chose comme ça, l'enchantement, c'était la méthode la plus ancienne des médecins. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Les anciens médecins, les médecins primitifs, ils ont fait quelque chose d'enchantement. À Londres, le docteur Bennett m'a confirmé le caractère empiriste de Carl Gustav Jung dans l'élaboration des doctrines qui sont à la base de sa psychologie. He always remained entirely open-minded. He was delighted when he could get some new aspect on the work. He never turned anything down because it was against his theory. He was always ready. Et Jung a sans cesse étendu la notion d'inconscient. Jusqu'à la fin de sa vie, il a tenté d'en découvrir de nouveaux aspects. Il a constamment gardé une remarquable ouverture d'esprit. Et il était toujours heureux de pouvoir apporter un nouvel élément à ce problème. Il n'écartait jamais quoi que ce soit, même si cela devait aller contre sa théorie. Il était toujours prêt à progresser. C'est pour cette raison qu'il voyageait beaucoup. Il est allé aux Indes. Il racontait des histoires passionnantes sur les gens avec lesquels il avait discuté là-bas. Il leur parlait, bien sûr, de l'inconscient, de ses mécanismes dans les différents pays et de ses multiples aspects. Ensuite, il est allé à Mandelgrove, en Afrique. Il y a fait un séjour prolongé de 3 ou 4 mois. Et il avait coutume, le soir, de s'asseoir et de parler avec les indigènes. Vous vous demandez, peut-être, comment il s'arrangeait pour discuter avec eux. Il y arrivait pourtant, car il avait passé son temps, pendant le voyage, à apprendre le Swahili. Il le parlait assez bien, ce n'est pas une langue très difficile. Il s'asseyait le soir et demandait aux gens de raconter leurs rêves. Et puis, ses cheveux à l'époque, bien qu'ils soient encore jeunes, étaient tout blancs. Et il était fasciné par le récit des rêves des indigènes. Les gens, eux, pensaient que c'était un sage à cause de ses cheveux blancs. Ils pouvaient donc lui raconter leurs rêves. Le soir, il s'asseyait autour de lui et s'ouvrait à lui. Il est allé ensuite en Amérique, où il a étudié le travail des Indiens. À Küsnacht, dans la banlieue de Zurich, j'ai rencontré le fils de Carl Gustav Jung, M. Franz Jung, et sa sœur, Mme Bowman Jung, ainsi que le mari de cette dernière. Nous avons évoqué la figure de leur père, et voici un écho de cet entretien. Votre père était-il d'un caractère égal ? Lui arrivait-il de piquer des grandes colères ? Ça, c'est difficile à dire, ou bien pas difficile. Naturellement, il avait des colères, il avait un caractère assez vivant et très, je dirais, très viril. Naturellement, il était un homme décidé, il pouvait facilement se maîtriser. Mais il y a aussi des occasions où vraiment il avait des colères et il laissait sortir sa colère. Mon beau-père était une nature, au fond, très gaie. Il aimait rigoler avec ses enfants et même ses petits-enfants. Il aimait la bonne compagnie, la bonne table, le bon vin. On s'amusait beaucoup et souvent. Avec lui, on passait des journées ou des soirées ensemble qui étaient tout ce qu'il y a de plus vivant et de plus entretenant. Bref, un tiers venant nous voir dans nos conversations avec notre beau-père, qui se serait peut-être attendu à rencontrer un homme sévère et un grand penseur, n'aurait pas pu le reconnaître parce qu'il rencontrait un homme tout à fait à son aise, rigolant, faisant des bons mots et mangeant et buvant avec beaucoup de goût et beaucoup de plaisir. Le docteur Gerhard Adler de Londres apportera dans un instant la conclusion à cette première émission. Mais au préalable, je voudrais vous faire entendre une interview de Mme Yolande Jacobi à Zurich. Mme Yolande Jacobi a très bien connu la fondation de cet Institut Jung dont je vous parlais au début de notre entretien. Et je voudrais, avant que nous ne nous séparions, vous montrer combien la création de cet institut mondial, de renommée mondiale, de cet institut qui a des correspondants dans tous les continents, combien la création de cet institut a répondu à une nécessité. En 1939, je lui ai donné l'idée de fonder un institut. Il m'a envoyé à Genève pour que je récolte ou ramasse les reports sur les universités où on apprenait la psychologie pour lui donner une idée comment est-ce qu'il pourrait le faire ici. Et après, la guerre a éclaté. Alors, on a laissé tomber tout ce plan. Quand la guerre a fini, en 1947, l'université et la Polytechnique suisse a donné des cours d'été pour les étrangers, surtout en anglais. Et là, j'ai donné des cours sur la psychologie jungienne. Et j'avais déjà publié mon premier livre sur la psychologie jungienne et une anthologie sur les œuvres de Paracels. Et Jung travaillait alors aussi beaucoup sur Paracels, c'est que nous avions discuté ces problèmes ensemble. Et en 1947, comme je dis, il y avait pendant deux étés ses cours à l'université ici. Alors j'ai dit, professeur Jung, ça ne vaut pas la peine que moi je donne des conférences anglaises à l'université au dehors de notre cercle. C'est le moment maintenant de fonder cet institut Jung. Alors en 1948, Jung a dit oui, je vais faire mon mieux. Et avec professeur Mayer, qui était un de ses premiers disciples, et Mademoiselle Wolf, aussi une analyste ici, et le club psychologique que vous connaissez sûrement, ils ont fait les premiers travaux sur l'Institut. Et le 24 avril 1948, c'était l'ouverture de l'Institut Jung, où j'étais aussi dans la direction. Nous avions 5 personnes dans la direction. Jung était le président et nous étions quatre à l'aider. Et tout de suite, on a reçu des gens, surtout aussi des gens qui parlaient l'anglais, parce que c'était la seule institution en Europe, je peux dire, où on donnait des cours et faisait des analyses en anglais et en allemand, et même en français. Voici maintenant les propos tenus par le docteur Gerhard Adler à Londres. Some time ago, a well-known English publisher asked me a strange question. He said to me, after all, what is the point of Jung's psychology? Freud seems to have said everything. Il y a quelque temps, un célèbre éditeur anglais m'a posé une étrange question. Après tout, m'a-t-il dit, quel est l'intérêt de la psychologie de Jung? Il semble que Freud ait dit tout ce qu'il y avait à dire au XXe siècle. Après quelques minutes d'hésitation, il m'a semblé que j'avais trouvé la réponse qui résume réellement l'apport de Jung. Je lui ai dit, la contribution de Jung à la psychologie moderne, c'est la question et la réponse du sens de la vie. Un des élèves de Jung, qui était aussi un de ses amis, le défunt docteur Betz, a traduit l'un des livres de Jung sous un titre qui me semble relever d'un trait de génie. Il l'a appelé « L'homme moderne à la recherche de son âme ». Notre prochaine émission sera consacrée aux notions d'ombre, c'est-à-dire la part maléfique ou bénéfique, le plus souvent maléfique, que l'homme refuse d'accepter en lui, la notion d'anima, la part féminine que tout homme porte en lui, et d'animus, la part masculine que toute femme porte en elle. C'était Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Ce soir, de Freud à Jung, avec la voix de Gaston Bachelard et la participation de Étienne Perrault, docteur Roland Cahen, professeur von Durkheim de Totmos Rüthe, Laurence van der Post de Londres, docteur Bennett de Londres, docteur Freyron, Agnella Jaffe, Franz Jung, M. et Mme Baumann Jung et Yolande Jacobi de Zurich, Dr. Adler de Londres. Cette émission a été réalisée avec le concours de Radio Zurich et de la Südwestfunk. Assistante Marie-Laure Borg. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 août 1970. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Thank you.